Merci, papa. De rien. Mais je viens de dépenser beaucoup d'argent. Mais non, tu viens de faire de bonnes affaires. Regarde, un bel appareil photo numérique, une perche à selfie et un ordinateur. Et ma tablette.